Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Hier soir, il y avait un nouveau jeu sur RTL, c'était 60 secondes chrono en remplacement de Total Blackout, qui n'aura quand même fait que deux numéros, hein, dont une spéciale la semaine dernière avec des VIP, et avec entre autres July Tatton et Stefan Van Bellingen hier. Ça faisait vachement plus sympa comme ça, non? Ouais, on a l'impression que c'est des stars internationales. Total et tout. Blackout, tu vois. On croit que c'est Lady Gaga qui fait le générique et tout. Non, c'est ça. Donc, il présente, cela dit, lui, entre autres, la météo. Alors, et écoutez bien, justement, pour ceux qui avaient raté. Bon, allez, j'y vais, Steph. J'y vais. J'ai pas peur. Je sens rien, rien que des copeaux. Et voilà, et tout ce cinéma pour rien, puisque en fait, y avait rien en fait en main. Hein. Mais bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez. Attends, tout ce sketch, ils avaient rien en main. Il n'y avait rien dans la main. Mais heureusement pour Julie, Stéphane était là pour la rassurer et lui montrer que lui. C'est un homme, un vrai. C'est pas ce que tu crois. Stéphane, si tu nous écoutes, prends des cachetons la prochaine fois parce que. Mais moi, je l'ai rencontré. En plus, c'est un mec qui a l'air hyper classe. Hyper, tu sais, vraiment sûr de lui, quoi. Bah ouais, mais écoute, là, si tu veux, le stress. Hein. Bon, enfin, cela dit, on se moque d'eux, mais il y a deux semaines, avec les vrais participants, c'était pas non plus très brillant. Souvenez-vous de ça. Lâchez le prince. S'il vous plaît. Lâchez le prince. Je dois lâcher le prince. La marionnette. Lâchez la marionnette. J'ai rien compris. Enfin, il est con, pas. Voilà, même Zeka il en pouvait plus, hein. C'est-à-dire qu'il a failli lui mettre une patate aussi, hein. Putain, oui, il est monté. Bon, allez, j'y vais, Steph. Allez, courage. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Et puis nous allons jouer maintenant au Free Code Game. Pour jouer avec nous, il y a Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut. Comment ça va, Nico? Ouais, ça roule. Est-ce que tu peux couper ta radio, s'il te plaît? Ouais, je la coupe. Voilà, nickel. Parce que sinon, ça fait de l'écho, évidemment. Et Nicolas, t'appelles de Boussu. Tu as 22 ans. Tu fais quoi dans la vie, Nico? Bah, je suis chauffeur poids lourd. Et c'est t'es pour où ça là que ça roule. Il vient de te le dire. Bah oui. T'es où là actuellement? Bah là, je suis du côté de Charleroi, en fait. D'accord, ok. Et ça va, justement, ça roule sur la route? Ouais, ça va, tranquille. Bon. Tranquille, aujourd'hui, il n'y a pas de flamme. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça va encore. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Julie, là, c'est encore relativement calme, vu que y a encore tous les étudiants sont en congé, tout ça. Donc forcément, ça fait moins de monde sur les routes. Bon, alors, attention, Nico. Nous allons jouer maintenant au Free Code Game. Le Free Code Game, c'est simple. Il y a quatre questionnaires. Tu en choisis un des quatre, sachant que ça va du petit paquet de frites au grand paquet de frites, ensuite le durum et ensuite la mitraillette. Petit paquet de frites, question très facile mais avec un petit cadeau. Et puis mitraillette, question plus compliquée mais tu peux repartir avec un plus gros cadeau comme un écran plat par exemple. Ouais, tu prends quoi? Je vais pas trop faire le malin, je vais prendre plutôt le durum. Le durum, c'est bien, c'est pas mal. Bon, alors justement avant de prendre le durum et avant de poser les questions, d'abord le petit hymne dorénavant du Free Code Game. Si tu vas en Belgique, faut pas te fatiguer à demander des tripes ou bien du cassoulet. Dans les baraques à frites, dans toutes les maisons, on te servira bien vite et en toute saison. Des frites, avec un petit pain. Des frites, ah que ça fait du bien. Des frites. frites, des frites, du soir au matin, des frites, avec tous les copains. Et oui. Yo, yo, et oui, yo. C'était le rap des frites. C'était. Oh, C'était hier, c'était avec. C'était chez Reichmann, ouais. Avec chez Jean-Luc Reichmann, voilà, sur TF1, les exactement. Les 12 coups de midi, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bah comme quoi, c'est aussi ringard que le jingle. Hein. De frites, code game. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, allez, tu as choisi le Durum, c'est parfait. On y va, on rentre maintenant donc dans la friterie. Je te pose 5 questions. Si tu fais minimum 3 sur 5, tu repars donc avec les cadeaux, ok? Ok, pas de souci. Oh là, attention, c'est parti. Première question, il faut répondre du tac au tac. Attention, à 10 près, combien faut-il de mimimati pour faire la taille de la statue de la liberté, socle compris? Oh là là. Bon, c'est plus ou moins 10. Hein. C'est une question de mitraillette, ça. 300, non, il en fallait 70. Eh oui, à 10 près. Eh oui, quand même. Hein. 70 mimimatiques. Ah bah oui, je sais. Ouais, bah oui. Bon, quand même, c'est pas quand même plus que 10 centimètres. Quand même, quand même. Bon, alors attention, c'est facile, c'est une chance sur deux. Vrai ou faux, le curling est un sport où il faut manger le maximum de curly en une minute. Faux, bonne réponse. C'est une bonne réponse, bravo. Comment s'appelle la femelle du castor? Oula. La quoi? La castor. Eh ben non, c'était la castorine. Ah ouais. Ah, tiens, c'est marrant. Alors attention. Attention. Attention, il ne faut plus se tromper pour faire 3 sur 5. Il reste 2 réponses. Tu as 1 sur 5 pour l'instant, enfin 1 sur 3. Comment s'appellerait René La Taupe si c'était un pélican? Qu'est-ce que c'est cette question? René Le Pélican? Eh ben oui, bonne réponse, bravo. Eh ben oui, c'est normal. Et enfin, attention, la dernière question pour repartir avec les cadeaux. Attention, attention. Ça va, tu le sens bien là? Ouais, putain, je suis chaud. T'es chaud. Attention, d'abord l'hymne. Si tu vas en Belgique, faut pas te fatiguer à demander des trucs ou bien du cassoulet. Dans les baraques à frites, dans toutes les maisons, on te servira bien vite et en toute saison. Des frites, avec un petit pain. Des frites. Ah que ça fait du bien. Des frites, du soir au matin. Yo, et oui, voilà l'hymne des frites du Frites Code Game. Attention, dernière question, tu as 2 sur 4 pour l'instant, encore une bonne réponse et c'est gagné. Vrai ou faux, Bart de Weaver, veut la scission du GHB. Faux, effectivement, bravo. Frites Code Game. Ça y est. Eh oui, bravo Nicolas, tu es le premier gagnant du Frites Code Game. Il était temps, bravo à toi. Eh ben écoute, t'aurais pu gagner la télé si t'avais pris la mitraillette, mais en l'occurrence t'as pris Durum, tu repars avec un iPod Shuffle également, il n'y a pas de problème. Voilà, bravo à toi Nico. Super, je t'en prie. Super, merci beaucoup. Passe une excellente journée à Charleroi et puis tu reviens quand tu veux. Salut. Je te remercie, salut. Salut, ciao à toi, bye bye. Ah bah ça fait plaisir d'avoir enfin un gagnant, dis donc. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Nous avons Graziano qui est avec nous de Jumet, 21 ans. Salut Graziano. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bon, ben bienvenue à toi, Graziano. Bon, alors, tu appelles donc de Jumet, tu veux qu'on fasse une déclaration express à Julie, c'est ça? Oui. Oh, c'est gentil. Non, mais pas la nôtre, hein. Ah. Attends, il a bon goût, lui. J'ai jamais déclaration express, moi, ça, je peux toujours. C'est normal, elle serait trop vulgaire. Il suffirait que Chouchou nous appelle. Ah, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, Graziano, on va donc appeler ta copine, elle s'appelle Julie, tu vas la voir dès que tu l'as au téléphone, tu lui dis voilà, j'avais un truc à te dire, et puis, nous, on dégaine derrière, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon, c'est parti, on y va. On l'appelle, direction Jumet également, chez Julie qui a 18 ans. Pourquoi ça marche plus? Et patience. Allô, Julie? Oui. Ah, bonjour Julie, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Je t'appelle avec Graziano, il avait quelque chose à te dire, tu écoutes? Oui. Allez, vas-y. Julie, si je t'appelle ce matin à ton réveil, non, c'est pas pour te tuer les oreilles. Ça doit faire maintenant 4 ans que t'es avec lui, et depuis 4 mois tu squattes son lit. T'habites est près de Charleroi. D'ailleurs, et si t'as vu, il a fallu qu'il prenne l'air. Quelle magnifique déclaration express. Il a fallu évidemment qu'il rajoute pervers. Bah oui. Toujours tu mettes quelque chose comme ça. Ah, oh, c'est bon. Mignon, pervers. Bah oui, tiens. Mais oui, c'est mignon. C'est un curé qui vote oui, écolo. Merci. Oui, c'est ça. Bon, Julie, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est la plus mauvaise excuse que tu aies trouvée. Non, qu'est-ce que tu en as pensé, Julie? C'était très beau. Oh, c'était très beau. Bah voilà, bah, c'est magnifique. Ouais, c'est le principal, hein. Bah, si on a pu rendre ce service. Graziano, t'es content aussi? Ouais, très content. Bon bah tant mieux. Bon bah si vous voulez faire une déclaration express, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas bien entendu à venir nous en demander une. Il n'y a pas de problème, on fera ça avec plaisir au 3044 en débutant le message par déclaration. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizée Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. Fun. À la radio. Et puis nous allons maintenant justement appeler des gens pour leur souhaiter la bonne année. On essaye depuis hier. Depuis hier, on se fait raccrocher ou insulter. C'est scandaleux. Voilà. Moi, donc, je trouve ça honteux. Mais moi, oui. J'appelle les gens avec tout mon amour. C'est vrai, c'est pour vrai. Pour leur souhaiter une bonne année. Voilà comment je suis traité. Bon, on va téléphoner à Rouvreux. D'accord, je sais pas où c'est, mais d'accord. Non, bah moi non plus, mais enfin c'est pas grave, on va découvrir. Allez hop, direction Rouvreux maintenant pour voir s'ils sont aussi agréables qu'Esprimont. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Allô ? Oui, bonjour madame. Allô ? Oui, bonjour madame. Oh, quelle voix. Oui ? Oui, voilà, je vous appelais pour vous souhaiter une bonne année. Bah ça me va pas, non ? Bah si, et vous ? Oui. Que... Eh ben voilà, on s'est fait raccrocher. Ça y est, fort, non, ça va pas bien. À Rouvreux, ils sont pas aussi au top. Ils sont pas ça ne va pas bien. Bon, hey. On rappelle à Rouvreux. Allez hop, c'est parti. Rouvreux. Ah. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Je vous appelais pour vous souhaiter une bonne année. Merci. Bah oui. Bon, bah Rouvreux, ça va toujours pas des bien. Des gens sympas, bon, des gens ouverts. Oui, bon, on va rappeler à Rouvreux, hein, une petite dernière. Allez, voilà, c'est pour moi, c'est moi qui régale. C'est parti, on y va, on appelle. Bah voilà, comme ça c'est fait. Hein. J'ai beaucoup aimé le cinglé. Oui, voilà. Allez, hop là. Ah oui, je l'ai pas entendu le cinglé. Hein. Si. Ah, il a dit cinglé. Ouais, elle dit cinglé. Ouais. Ah d'accord, ok. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Rouvreux, donc c'est comme Esprimont. Hein. Ils sont d'aussi bonne humeur. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio.